Principes du socialisme. Livre audio gratuit. Un texte de Anatole Baju. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence Creative Commons. À ceux qui pensent, pour ceux qui souffrent. À Jules Ked. Honoré citoyen, vous, le lutteur infatigable, pour qui la propagation de l'idée socialiste est un apostolat, vous, que nous respectons surtout comme un penseur et un lettré, voudriez-vous présenter au grand public international, qui vous connaît si bien, ce modeste essai de synthèse sociale, de votre reconnaissant Anatole Baju, Paris, le 18 avril 1895. Lettre préface. Chers citoyens, je crois, comme vous, que la société capitaliste est le milieu le plus déprimant qui ait jamais existé pour l'art et l'artiste, industrialisé et tombé à l'état de marchandise. Et comme vous, je sais que loin d'être un retour, même momentané, à la barbarie, le triomphe du socialisme donnera lieu à une explosion de toutes les puissances artistiques de l'humanité, auprès de laquelle la Renaissance pâlira. Vos principes du socialisme ont pour but de faire partager cette double conviction aux intéressés, à ce monde de littérateurs, de peintres, de sculpteurs, de musiciens, qui n'a pas conscience de son abaissement actuel, et fait corps avec les marchands du temple contre ces libérateurs du prolétariat en marche. Puissiez-vous réussir et persuader à beaucoup que l'émancipation de l'art ne fait qu'un avec l'émancipation du travail. Je ne le dis pas à tous, parce que, plus particulièrement réflexe, le cerveau de l'artiste suit et ne précède pas. Mais ne détacheriez-vous du bloc réactionnaire qu'une poignée de soldats à la Révolution, que vous n'auriez perdu ni votre temps ni votre effort. Croyez à ma sympathie. Signé Jules Ged, Paris, le 8 mai 1895.